Le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a publié le 18 une communication qui dit « L'introduction supplémentaire des rampes de SAD étant révélée, les Américains se montrent mécontents de la réestimation de l'influence environnementale du terrain de SAD en exerçant une pression ouverte sur les autorités sud-coréennes pour la disposition de leur armement. » En effet, les autorités sud-coréennes souffrent plus que jamais des pressions des conservateurs pro-américains, du milieu social et des pays voisins. Il faut noter que la disposition de SAD n'est pas destinée à protéger la Corée du Sud contre la menace de la Corée du Nord, tout comme en font bruit les Américains et les conservateurs sud-coréens, mais elle fait partie exclusivement de la politique d'agression des États-Unis visant à en faire l'avant-poste du système de défense antimissile pour la stratégie d'hégémonie mondiale. Une fois mise en œuvre cette entreprise, la Corée du Sud courra une crise aussi dangereuse qu'une bombe nucléaire à retardement qui risque d'éclater à tout moment. Si le pouvoir sud-coréen représente l'attachement de la population qui a porté la bougie contre la disposition de SAD, il est naturel qu'il fasse grand cas de l'opinion publique et de tous les milieux sud-coréens en reprenant conscience ne serait-ce que maintenant, au lieu d'accepter la contrainte du ciseau américain, et il vaudrait mieux de prêter l'oreille au conseil des compatriotes invitant à s'opposer aux forces étrangères et adhérer à l'esprit de l'indépendance nationale pour se débarrasser complètement du mal à la tête dû au problème de SAD. Si les autorités sud-coréennes autorisent la disposition de SAD en tournant le dos au courant de l'époque, elles ne pourront pas éviter la ruine aussi lamentable que la bande des traîtres de Bakouné, enterrée au nom de l'histoire, puisqu'elle s'est démenée en tête pour la disposition de SAD, considérée comme talisman, et elles seront rejetées par l'histoire et la nation. Jamais n'est tolérable l'acte des voyous américains qui imposent la disposition de SAD de nature agressive. Il faut que la population sud-coréenne dynamise la lutte sacrée anti-américaine pour chasser du sol sacré de la patrie les juaïs qui causent tous les malheurs de siècle en siècle avec leurs armements nucléaires comme SAD.